ce la la la la la le matin. Elle allait par les champs de blé s'oublier et rejoindre l'écuyer du roi caché entre deux fourrés de bois. Ce jour-là, elle chantait la la la la, les requins. La suivait un chevalier lié, assoiffé, qui voulait la toucher du bout de son épée. Lorsque les